pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans l'émission Label Rock. Sébastien aux commandes de ce programme musical qui vous amène chaque semaine sur l'internet. Deux heures de musique pas comme les autres. Au menu ce soir, beaucoup d'annonces de concerts, beaucoup de tournées un petit peu partout en France et on ciblera plus particulièrement la région Rhône-Alpes, mais aussi évidemment pas mal de nouveautés et quelques classiques. Il y en aura pour tout le monde, de la pop au rock en passant par l'électro ou le reggae. Vous avez l'habitude si vous êtes fidèle à ce programme. Allez, on commence avec un extrait du nouvel album de Blondetto. L'album s'appelle Bad Bad Things. Derrière Blondetto se cache en fait Max Guiguet, hein, programmateur de Radio Nova à Paris. C'est son premier disque donc, Bad Bad Things, véritable concentré de black music puisqu'on trouve aussi bien du reggae que du jazz, que de la soul et du rap. Tout ça qui vous assure un savoureux voyage. C'est ce qu'on va faire ce soir et on commence donc avec un extrait de cet album, ça s'appelle Mustang. Je vous rappelle, l'artiste lui s'appelle Blondetto. Français, il s'appelle Blondetto, le titre de l'album, premier album qui s'appelle Bad Bad Things. Très belle entrée en matière pour cette nouvelle émission Label Rock. Le titre, ça s'appelait Mustang. Ce soir, donc, je vous lisais beaucoup d'annonces de concerts, on y reviendra, notamment sur la deuxième date de la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais. Ça sera ce mardi du côté de Riorges, mais aussi beaucoup de nouveautés. Tiens, c'est le cas maintenant avec, en provenance de Dublin, une chanteuse qui s'appelle Imelda May. Elle pratique un rock'n'roll proche du rockabilly, mais elle ne néglige pas non plus les balades jazz et tout ceci pour le meilleur effet. Nouvel album Mayhem, il vient de sortir. Sachez si vous aimez ce genre de son qu'elle sera en tournée européenne avec malheureusement une seule date en France. Ça sera à Paris le 16 novembre au New Morning. Imelda May donc tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Psycho. Yeah. Double ration qui a dû faire plaisir à tous les amateurs de rock'n'roll. Imelda May pour commencer, Psycho, l'album s'appelle Mayhem. Je vous rappelle qu'elle est quasi une star du côté de l'Irlande puisqu'elle est née à Dublin et qu'elle a cartonné avec ses deux premiers albums. Nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Mayhem. Et puis à l'instant c'était un petit peu plus vieux, un excellent titre sorti en 1960 signé par un groupe qui s'appelle The Valentines. Un titre que vous retrouverez sur une compilation du label espagnol qui s'appelle Vampy Soul. La compilation s'appelle Rhythm and Blues Hip Shakers Volume 1 Teach Me to Monkey. Ça fait un petit moment qu'elle est sur les platines de label rock et franchement je ne m'en lasse pas. Il n'y a que des pépites de Rhythm and Blues des années 60, ce qui n'est pas pour me déplaire et ce qui n'est pas pour déplaire aux collecteurs puisque la plupart de ces disques n'étaient jamais ressortis auparavant. Donc Rhythm and Blues Hip Shakers Volume 1, allez faire un tour sur www.vampysoul.com. Retour maintenant dans Label Rock au son pop rock actuel qu'on aime avec un groupe londonien qui se fait appeler The Vandoos. Premier single qui va sortir chez Young and Lost Club, ça s'appelle Tenterhooks. Deux belles nouveautés pop rock dans ce programme de 22, les londoniens. Premier single qui s'appelle Tenterhook, ça va sortir chez Young and Lost pour commencer. Puis à l'instant, un groupe new-yorkais, pote des MGMT, qui sort son premier album. Le groupe s'appelle Violence, l'album lui s'appelle Amoral, c'est disponible sur le label Static Revival. À l'instant donc, Violence Sensation Descends, c'est le premier single tiré de cet album. Trois titres sur ce single, Acid Rains, Violence Sensation Descends qu'on vient de s'écouter, et en bonus une version française de ce dernier titre interprétée par Caroline, la chanteuse du groupe Chairlift. Voilà, à noter si vous êtes du côté de Paris le 20 novembre, et ben les Violence seront en concert à la Flèche d'Or. Puisqu'on parle de concert, je vous ai annoncé en début d'émission qu'il y allait avoir beaucoup de dates annoncées ce soir, notamment du côté de Riorges. Je parle bien sûr des mardis du Grand Marais. Les invités de la prochaine session, ça sera évidemment ce mardi 19 octobre à Riorges à partir de 20h30. Deux invités qui viennent d'outre-Atlantique. Première partie assurée par les Américains de Soliloquist of Sound. On va s'en écouter un extrait. Et la deuxième partie, la tête d'affiche, un duo qui vient de Montréal au Québec qui s'appelle Beast. Voilà, on s'en écoute donc des extraits. Pour commencer, Soliloquist of Sound, ça s'appelle Popcorn, enchaîné avec un titre de Beast, Out of Control. Et je vous rappelle qu'ils sont donc du côté de Riorges ce mardi à partir de 20h30. I'ma see, no Jamina water, please feed. Popcorn knocked on, pop to get a bag of the very own. To be like the Jones next door, what are you wanting for? Papa say, hesitate to cop a comb, shop a Jones. They never touch after we give it to. Anyway, your penny saved, we figured. Until the days of late, the carnival came in town. Papa clowns now, hot's gonna go down. Pops contemplate, popcorn's just the day to wake. And kids going mad, so he calls them over to his lap. Begin to rap about vegetables, hoping to distract them from the pop spectacle. Guess you know the rest, thinking what the kids stretch. Bump veggies, listen, bump pops. We want popcorn. We like the television, but the television is tiling up the vision more than what the talent is. Popcorn.

très belle affiche du côté de Riorge, donc pour cette deuxième date de la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais, les Soliloquists of Sound qui entameront le bal à partir de 21h. Je vous rappelle, ouverture des portes du côté de Riorge à 20h30. Et ça sera suivi donc par le duo de Montréal au Québec, les Beasts. Voilà, puisqu'on parle de concerts, et ben un autre groupe, si vous écoutez les radios françaises en ce moment, ils cartonnent, ils sont belges, ils s'appellent Absinthe Minded. Just like splitting the money and seeing it through, we had a common full blown. If you want something down quick good, honey, you know where I roam. Heaven knows we're on a roll. You want it to happen, let me in, we can win. I want it to happen. It's never much talk, but touch your smiles to get a curses for parting. My gaze is fixed on you, and you know that you got it. Give me just a second, baby, I am ready, willing and able. Let me show it to you, honey, something's hiding under the table. The chemistry between two lovers, soft and wet, I know where we're going next. If you want something done quick, good, you can put me to the test. Heaven knows on a roll. You want it to happen, let me in, we can win. You want it to happen. It's never much talk, but touch your smiles to get a curses for parting. My gaze is fixed on you, and you know that you got it. Give me just a second, baby, I am ready, willing and able. Let me show it to you, honey, something's hiding under the table. Les Belges d'Absinthe Minded dans Label Rock avec un extrait de leur nouvel album. Le morceau s'appelait Heaven Knows. Si vous êtes friand de ce son belge des Absinthe Minded, et ben vous allez être content puisqu'ils sont actuellement en concert en France en pleine tournée. Le 19 octobre, ils seront du côté de Lyon à l'épicerie moderne. Le 20 octobre, le lendemain donc à la chapelle de Metz. Le 22, ils seront du côté de Caen au Cargo. Le 23 octobre, au Grand mix de Tourcoing. Le 18 novembre, ils seront au Fil de Saint-Étienne. Et enfin, ils termineront cette tournée française avec une date du côté de Paris à l'Alhambra. Ça sera le 9 décembre prochain. Absinthe Minded, un groupe absolument à découvrir sur scène. Look in the mirror, I am the man. Mrs. Miller says, I am the man. Ask the bird singing, I am the man. Every everyone is a fan. A little walk through the neighborhood, people nod cause it's understood. Mr. Henry comes out to stand, a wave and shout out to the man. As the bird singing, I am the man, by popular demand. The little skinhead with a tattooed face shows me a moment of style and grace. The old hippie with the tie-dyed band flashes a peace sign to the man. As the bird singing, I am the man. Will I do what I can? Dans Label Rock, un extrait du nouvel album, 9e album solo pour Hills, un des compositeurs les plus prolifiques, les plus aventureux et les plus inventifs de la dernière décennie. L'américain, donc, multi-instrumentaliste, singer, songwriter, Mark Oliver Everett, vous le connaissez plus sous le nom de Hills. Nouvel album, donc, 9e album, Tomorrow Morning, disponible chez Coopérative pour la distribution française. Un album qui vient clôturer une trilogie entamée il y a 18 mois, puisqu'il y avait eu 4 ans de silence. Et puis, tout d'un coup, il y avait eu 3 albums comme ça qui avaient suivi pour Hills, notamment avec des couleurs musicales légères. Légèrement différente. Ombre Loco, souvenez-vous, pour un garage rock de très belle nature. Et puis il y avait eu End Times, album un petit peu coincé au milieu comme ça avec de l'acoustique. Le voici donc de retour avec Tomorrow Morning, nouveau paysage musical pour Hills, avec pas mal d'électronique dedans, avec comme thème la rédemption, le nouveau départ et la nouvelle chance. Un très bel album de pop signé Hills. Je vous rappelle encore une fois, Tomorrow Morning, c'est le titre de cet album. Et si vous cherchez ça, aucun souci, puisque c'est distribué en France par Coopérative. Allez, on marque une petite pause du côté de la guitare. On retourne du côté du reggae avec un artiste allemand qui fait du très bon reggae et qui va sortir le 19 prochain son nouvel album. L'album s'appelle Crossroads. C'est disponible sur le label Kingstone Records. L'artiste, lui, s'appelle Jacoustics. Yeah. yesterday seems far away now. So live today and not tomorrow. It's not easy to live in the present day if you got something holding you in the past and pulling you. It's not easy to live the moment when your mind is out of reach and there's nobody there to teach you to live today and not tomorrow. Enjoy your way in times of sorrow. In a body, we're not just anybody. Free yourself, be yourself, to be yourself. Be yourself. Don't be your own worst enemy. Oh. Just be what you wanna be. Live today. Très bon reggae dans la Belle Rock avec l'artiste allemand Jacoustics. Live Today, c'est ce qu'on vient de s'écouter, un extrait du prochain album qui va sortir le 19 novembre prochain. L'album s'appelle Crossroads, ça sera disponible sur le label Kingstone Records. Et j'ai envie de m'attarder un petit peu sur le parcours assez particulier de cet artiste Jacoustics, puisque tout a commencé pour lui alors qu'il était en Afrique, à Nairobi. C'était en 1992, date à l'époque où il a découvert le reggae. Sachez qu'il a passé une grande partie de sa jeunesse justement dans des pays africains, mais aussi du côté de Mexico, du côté de New York aussi, avant de revenir en Afrique, donc du côté du Kenya et de l'Égypte. Le Kenya, justement, un pays où il a passé son temps libre à errer dans les rues du centre-ville de Nairobi, où il a fait ses premières rencontres avec des Rasta, et c'est là qu'il a découvert le reggae. Après avoir passé 15 ans à l'étranger, il retourne en Allemagne. C'était en 1998. Il enregistre son premier album qui s'appelle Soul Jastic. C'était en 2003. S'ensuit un deuxième album en 2004 qui s'appelle Color Line, à l'époque publié par Virgin. C'était en 2004. Donc, les deux années suivantes, 2005-2006, il tourne pas mal du côté des États-Unis ou au Canada. Il fait des concerts aussi du côté du Portugal, en Italie, en Slovénie. Il est notamment invité au célèbre festival de jazz de Montreux. En 2006, il y a un troisième album qui sort qui s'appelle Grounded. 2008, encore un nouvel album, quatrième album, un live acoustique. S'ensuit encore des tournées, notamment où il rejoint Dub Inc et Tikkun Jaffa Coli. Et donc en 2010, voici que sortira son quatrième album qui s'appelle Crossroad, qui sera disponible le 19 novembre prochain. On reste dans la musique du monde, la world music, avec 5 musiciens français qui se font appeler Toubab All Stars. Ils puisent eux aussi leur inspiration dans la musique noire, un petit peu sur l'idée du dancehall jamaïcain, puisque chaque concert est une véritable invitation à la fête. Du coup, sur scène, c'est un véritable métissage de ska, de reggae, de raga jamaïcain avec des influences africaines. 2 dates, même 3, dans la région Rhône-Alpes. Le jeudi 21 octobre, ils seront au Sirius à Lyon. Et enfin, le vendredi 22 et le samedi 23, du côté du Satellite Café à Roanne. C'est du côté de Villeray. Toubab All Stars, on s'en écoute un extrait du nouvel album. Ça s'appelle Ali Beau Maillé. Vous écoutez Label Rock, de la chaleur. I'm the king of the ring, I am Muhammad Ali. Muhammad, Muhammad, Muhammad Ali. Remember when we were kings and we fighting on the ring? Ali boom boom boom, Ali boom ma boom aye. Ali boom boom boom, Ali boom ma boom aye. Alias Gods, you slay, chaos de danse vaudou. Ali boom boom boom, Ali boom ma boom aye. J'ai vaincu un orque la foudre, j'ai battu un crocodile, j'ai tué un roc, une pierre et rendu un dragon docile. I'm the king of the ring, Mohammed l'indestructible. Tel un satellite, je vais te mettre en orbite. Plus tu frappes, plus tu cognes vite. Prendre la fuite. I'm the king of the ring, I am Muhammad Ali. Muhammad, Muhammad, Muhammad Ali. Ali boum boum boum, Ali boum ma boum aye. Ali boum boum boum, Ali boum ma boum aye. Alias Gosh, who's playing chaos de danse vaudou. Ali boum boum boum, Ali boum ma boum aye. Ce soir, voir le lancement d'un satellite noir. Et si vous n'étiez pas né, je vous laisse imaginer. Ali danse, danse, danse, d'un jeu de jambes hypnotique. Ali boxe, Forman, d'un uppercut maléfique. Ali comme du gauche, Ali frappe du droit. Maître du combat, c'est lui qui impose sa loi. Les Toubab All Stars dans Label Rock avec Ali Beaumaillet, extrait de leur dernier album. Franchement, allez les applaudir si vous êtes du côté de Lyon le jeudi 21 octobre au Sirius, ou alors du côté de Roanne dans la Loire le vendredi 22 à partir de 21h. Et ils remettent ça le lendemain, le samedi 23 octobre. Toubab All Stars. J'aime beaucoup cette influence africaine dans ce programme. Du coup, on va rester avec un groupe londonien qui s'appelle Sarava Soul. Ils mélangent le funk, la musique africaine et la soul brésilienne. Ils sont signés sur le label True Thoughts et ils viennent de sortir un album qui s'appelle Cultura Impura. Un extrait dans Label Rock, ça s'appelle Ja Naina. Jonaina, ni alabaloku, ko se ni to le seyin, ṣugbọn ti a ba seyin, e dari iwa o. Ajuba ni, iye o. Pra valer, não quer experimentar pra crer. ayé ìwà yìí ti ń bẹ̀ lẹ́jẹ̀ wa. Label Rock àjúbà yìí kò tójú wá sẹ́rú ni ọmọ yìí ti ìwà yìí ti ń bẹ̀ lẹ́jẹ̀ wa. Kò tójú wá sẹ́rú àti mọ̀ nípa yìí torí ọmọ yìí la jẹ́ àní tó tójú wá sẹ́rú sẹ́ ìwà yìí ti ń bẹ̀ lẹ́jẹ̀ wa torí ọmọ yìí la jẹ́. Label Rock Thank you. L'éclectisme et la diversité musicale comme toujours à l'honneur dans ce programme Label Rock, puisqu'on était passé de la funk soul brésilienne de Sarava Soul à l'album des Espagnols de Crystal Fighters. L'album s'appelle Star of Love. Il sera disponible en CD en janvier 2011. En attendant, vous pouvez vous le procurer en téléchargement légal numérique du côté de chez Different Recordings. Il y a un single qui existe qui s'appelle Follow Swallow, accompagné à l'occasion de remix, notamment signé par LOL Boy. C'est ce qu'on vient de s'écouter, Crystal Fighters, Follow. On va rester dans l'éclectisme, on part du côté de l'Allemagne, retrouver un excellent producteur qui s'appelle Hendrik Weber. Vous le connaissez peut-être sous son nom d'artiste, c'est Panta du Prince. Troisième album qui est sorti cette année, l'album s'appelle Black Noise, disponible sur le label Rough Trade. A noter, si vous êtes fan, qu'il sera en concert du côté de Lyon, dans le 3e arrondissement. Il sera à la plateforme le vendredi 26 novembre de 22h30 à 5h du matin. Et je crois qu'il sera en configuration live. Panta du Prince, donc tout de suite, nouveau single, ça s'appelle Lay in a Shimmer. Label Rock. We'll be right back. La touche électro de cette semaine dans Label Rock, signée par Panta du Prince, l'Allemand qui sera donc en concert à Lyon le vendredi 26 novembre prochain du côté de la plateforme. Et puis à l'instant, un classique électro dans Label Rock, signé par Octave One, les deux frères Burden, hein, Laurence et Lenny Burden. Ils viennent tous les deux de Détroit. Ils ont créé au début des années 90 le célèbre label et culte, hein, 430 West, qui est, on va dire, à l'origine de la seconde vague de la techno de Détroit. Ils font de nombreuses tournées en tant que DJ ou musicien en live. Et ce qu'on vient de s'écouter, Blackwater, c'est peut-être le titre le plus connu de ce projet, donc Octave One, un titre qui datait de 2000. À noter que j'étais en train de lire sur internet que ce morceau, on le retrouve sur plus de 70 compilations un petit peu partout dans le monde et qu'il a été notamment joué par les plus grands DJ internationaux et notamment par votre serviteur ce soir dans Label Rock. Comme quoi, voilà. Après l'électro, au retour aux guitares. Puissance sonore d'un duo new-yorkais qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ils viennent donc de Brooklyn à New York. Ils s'appellent Sly Bells. Premier album sorti le 11 octobre. L'album s'appelle Treats. Et franchement, si vous aimez votre pop rock saturé avec des beats syncopés, vous allez adorer les 11 titres de ce premier album. Inutile de vous dire que leurs prestations en live sont franchement détonnantes. Et vous pourrez vous en rendre compte si vous êtes du côté de Paris le 19 novembre. Ils seront au point éphémère. Je vous rappelle que l'album est disponible donc chez Jive Epic, distribué en France par Sony. Autre projet tendance en ce moment, ils viennent eux aussi des États-Unis. Ils ne sont pas deux, mais ils sont sept. Ils se font appeler The Lost Trees, premier album qui va sortir. L'album s'appelle All Alone in an Empty House. beaucoup de très bons disques pop qui nous viennent des États-Unis en ce moment. The Lost Trees, vous pourrez rajouter cet album dans la hotte du Père Noël, un des meilleurs albums pour l'instant de l'année 2010 et qui reviendra sûrement dans tous les suffrages de la fin d'année. Premier album pour ces 7 américains, l'album s'appelle All Alone in an Empty House. Puisqu'on n'est pas encore à l'heure de faire les classements de fin d'année, mais un album qu'il ne faudra pas oublier en tout cas, c'est celui de Morning Benders, ce groupe indé californien qui a sorti cet été son deuxième album sur le label Rough Trade, distribué en France, je vous le rappelle, par Beggars Banquet. L'album s'appelle Big Echo et franchement c'est un excellent disque de pop. La preuve tout de suite en musique, les Morning Benders, ça s'appelle Promises. Shoulders in deep, pulling us through the light, toasting our backs in the sun. Now I'm waiting to hear my next call. We got our bodies pressed against the wall. Now our gaze is history, we're seeing it all right. The balance is still chasing after, just hanging on as we walk by. Promises, un extrait du dernier album, deuxième album des Américains de Morning Benders. L'album s'appelle Big Echo, il est disponible sur le label Rough Trade. Et j'en profite pour reprendre le titre d'un article du magazine Les Inrecuptibles qui posait cette question: et si le meilleur groupe de pop anglaise était aujourd'hui américain? Et bien justement la réponse avec les Californiens de The Morning Benders. Achetez donc cet album distribué par Beggars Banquet, franchement il est excellent. Keeps us living on time. Autres nouveautés dans ce programme Label Rock, un nouvel album pour le groupe londonien The Heartstrings. On s'était écouté un extrait qui s'appelle Firecracker, l'album lui s'appelle Flap Your Crazy Wings. Là aussi, hein, on parlait de très bon album de pop du côté des Morning Benders, c'est le cas aussi, mais ce coup-ci du côté de l'Angleterre justement, histoire de nous rappeler que du côté des londoniens, on sait faire aussi de la très bonne pop. Tout ça disponible sur le label Grandpa Stan. On va partir maintenant du côté de l'Arizona, direction une petite ville qui s'appelle Tucson, une petite ville qu'on connaît bien notamment grâce au Calexico. C'est justement quelqu'un de leur entourage qu'on va retrouver maintenant dans Label Rock, une artiste du nom de Suzy Hogg. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Tucson Moonshine, dessus bah, évidemment beaucoup de country, mais aussi de la très bonne folk avec comme accompagnateur des membres de Calexico. L'album est disponible sur un label anglais qui s'appelle V68 Records. Suzy Hogg, donc dans Label Rock, ça s'appelle Chez de Tir. Telling you lies and walk all over. drop the bomb on everyone. Oh, so the feeling's gone. How can I dance and sing all of the eyes? And I don't know where you've gone for good. I'm breaking up our house for firewood. How can I dance and sing all of the eyes? And I, my mouth is moving. Voix féminine donc avec une Californienne qui vient de Los Angeles qui s'appelle Inara George. Elle va sortir très prochainement un album intitulé The Accidental Experimental. Ça va sortir le 21 octobre. Voilà, je regarde sur le CD. 21 octobre, ça va sortir chez Everloving Records. Dessus, cet album, bah, vous serez content si vous aimez de votre pop, hein, assez baroque, assez expérimental, avec des petites touches de folk aussi et surtout beaucoup de très belles ballades romantiques. Bon, c'est ce qu'on s'était donc écouté. Et souvenez-vous donc de son nom, elle s'appelle Inara George. En début d'émission dans la Belle Rock, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de très bonnes dates de concert en ce moment. Si vous êtes du côté du Phil à Saint-Étienne, le vendredi 22 octobre à partir de 20h30, vous avez rendez-vous avec un trio qui s'appelle Dub Trio. Ils sont américains, ils viennent de New York, ils viennent de sortir un 5e album. Ils seront donc du côté du Phil. Alors là, rien à voir avec des voix féminines, c'est plus costaud. Allez, on y va, Dub Trio, ça s'appelle Ends Justify the Means. Yeah.

new-yorkais de dub trio And Justify the Mean. Je vous rappelle qu'ils seront en concert au Fil de Saint-Etienne le vendredi 22 octobre à partir de 20h30. I found her, red coat. Look, I found her. Look, I found her. Damn, red coat. Look, I found her. Damn, look, I found her. Damn, red coat. Look, I found her. Damn, look, I found her. Damn, red coat. Look, I found her. Damn, look, I found her. Belle découverte électro d'un jeune producteur de 22 ans qui s'appelle James Blake. Il est anglais, il est issu du dubstep et il est signé sur l'excellent label RNS. C'est un maxi qui s'appelle CMYK. Voilà, c'est ce qu'on s'était d'ailleurs écouté. On va terminer cette émission de manière assez bruyante avec encore une fois des dates du côté du Fil à Saint-Etienne où ça bouge beaucoup en ce moment. On va retrouver un groupe français qui s'appelle Black Bomb. Et c'est dans le cadre du Disorder Tour 2010 avec à l'affiche dimanche 24 octobre donc du côté du Fil à Saint-Etienne plusieurs groupes donc les Black Bomb A mais aussi Ultra Vomit, l'Esprit du Clan et Andreas et Nicolas, tout ça pour une soirée metal hardcore. C'est parti, montez à fond et puis les voisins, bonne chance hein. Bon voilà, allez, Black Bomb A dans Label Rock, ça fait beaucoup de bruit. You want to fuck me back? You want to fuck me back? You want to fuck me back? You want to fuck me back? You want to fuck me back? But you watch for me, cause I can see that what's between your lies. I can stand, yes, they stand by. I can feel the cold inside. Are we born to die? Are we born to die? bruit, mais du beau bruit dans Label Rock avec les Black Bomb. Et pour commencer, ils seront à l'honneur du côté du Phil à Saint-Etienne le dimanche 24 octobre. C'est à partir de 18h30 pour une tournée qui s'appelle Disorder Tour 2010 au programme Ultra Vomit, les Black Bomb et l'Esprit du Clan et Andreas et Nicolas pour une soirée metal hardcore. Juste au milieu, un groupe punk hardcore qui vient lui aussi, pas de France mais de Birmingham en Angleterre. C'est un groupe culte hein, qui a sévi depuis de nombreuses années qui s'appelle Police Bastard. Tout ça pour vous dire qu'il y a une compilation qui s'appelle It's Good to Hate Back Cover. C'est chez Iron Man Records avec pour accompagner un DVD tiens avec des extraits de concerts et aussi 4 nouvelles chansons et puis une sorte de best-of. Donc Police Bastard et puis à l'instant un groupe qu'on connaît bien du côté de Saint-Etienne, ce sont les 5 Stéphanois de Arpad Flynn. Ils seront eux aussi en concert au Phil ce jeudi en première partie des Nantais de Pony Pony Run Run. Voilà, jeudi 21 octobre, donc rendez-vous au Phil pour les applaudir. Les Arpad Flynn, un album qui est paru cette année, qui s'appelle Anti-Aging Solution. Tout ça disponible sur le label Facto Records. C'en est terminé pour Label Rock ce soir. On va rester du côté de la musique française pour clôturer cette émission avec un extrait du nouvel album de Catherine. L'album s'appelle Philippe Catherine. Il est arrivé le 27 septembre et je vais faire un dernier coup de pub, dernière promo pour le Phil à Saint-Etienne puisque Philippe Catherine sera en concert là-bas le jeudi 9 décembre prochain. J'en profite pour vous dire que si vous voulez avoir tous les détails de la programmation de cette excellente salle de concert stéphanoise ainsi que des liens, des sons, bref, vous allez sur www.le-phil.com. Label Rock, c'est donc terminé pour ce soir. C'était Sébastien aux commandes comme d'habitude. Je vous dis soyez sages mais pas trop et surtout je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la reine car le monde est ainsi fait. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la main. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Ghost. Ghost. Leap from my heart. Leap from my heart and find the sunlight. Do not stay. Open yawns the sky before you. Dance toward the lights again. Do not Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.